ange sur la terre, chapitre 17. Une mort subite. Quelques mois s'étaient écoulés. Les vents du sud, avec leur cortège de nuages et de tempêtes, et les vents du nord, avec leur glaciale tranquillité, se disputaient encore les cieux, comme la passion et la raison se disputent le cœur de l'homme. La froideur qui avait existé jusque-là entre Rennes et Gennaro était devenue, du côté de Rennes, une hostilité systématique, que Gennaro subissait et repoussait aussi énergiquement qu'un rocher subit et repousse les attaques des flots de la mer. De ce choc continuel entre les deux combattants résultait une amère irritation qui affligeait profondément la douce Lagrimas, si tendrement attachée à tous deux. Mais il y a dans le monde des êtres pour qui la boisson la plus douce, versée dans la coupe de la vie, se tourne en fiel avant d'arriver à leurs lèvres. Lagrimas s'efforçait en vain de bannir de la bouche de Gennaro ce ton froid et même dédaigneux dont il repoussait les attaques de Rennes. Gennaro était un de ces hommes aux idées bien arrêtées, qui ne céderaient un pouce de terrain ni par tendresse ni par condescendance. Quant à Rennes, elle ne comprenait pas les souffrances de son ami et n'en tenait conséquemment aucun compte. Cette guerre sourde entre les deux jeunes gens n'attirait l'attention de personne. Les sympathies et les antipathies dans le monde sont choses si communes et le plus souvent si peu motivées que personne ne prend la peine d'en rechercher les causes. Mais ce qui échappait aux yeux du vulgaire n'avait pu échapper aux yeux d'une mère. La marquise ne tarda pas à remarquer cette lutte et, avec son tact ordinaire, elle prévit ce qui devait arriver, c'est-à-dire que cette constante préoccupation l'un de l'autre entre deux personnes de la valeur de Rennes et de Gennaro amènerait un résultat diamétralement opposé à la cause du combat. Gennaro avait prévu tout ce qui devait arriver. Semblable à Pygmalion, il devenait, de jour en jour, plus épris de sa statue, mais par cette raison même, il persistait dans son système de froideur apparente pour arriver, plus sûrement, à assurer son bonheur à venir. Il enchaînait sa volonté et ne quittait pas son rôle d'adversaire froid et impassible. Rennes était encore trop pure et avait trop de droiture et de noblesse dans le cœur pour deviner, ni même pour soupçonner, la ruse astucieuse du jeune homme. Loin d'user de l'infaillible moyen de déjouer ses plans, c'est-à-dire de lui inspirer de la jalousie, elle repoussait avec un redoublement de dédain les hommages de ses soupirants, et en particulier ceux du comte de Nabia, que la mère recevait chez elle avec une bienveillance marquée. Cette conduite encourageait Gennaro dans ses espérances et le faisait persévérer dans la voie qu'il s'était tracée. Gennaro était à la vérité un cavalier plein de talent, d'esprit et de mérite, mais il était pauvre et n'avait ni position présente ni avenir assuré. Aussi, malgré toutes ses qualités, ne pouvait-il être le parti que désirait l'orgueilleuse mère, la vigilante tutrice, pour la belle et brillante reine, cette jeune, cette riche petite marquise. La marquise voyait, comme tout le monde, la cour peu déguisée que Gennaro faisait à Lagrimas. Mais, comme tout le monde, elle ne s'y laissait pas prendre et devinait, par une secrète intuition, que reine, si elle le voulait bien, n'aurait pas de peine à détourner de son ami le cœur de Gennaro. Le danger était pressant et, pour le couper, la marquise ne trouva pas de meilleur moyen que celui de brusquer le mariage de Lagrimas et du jeune homme. La chose était convenable de part et d'autre. Si Lagrimas apportait la fortune, Gennaro apportait la naissance. Cette union réunissait donc tous les éléments du bonheur. Il s'agissait d'entamer au plus tôt la négociation avec Don Roque, et le hasard voulut qu'à cette époque, février 1848, un événement à jamais déplorable conduisit à Séville le Crésus Gadetane. Voici le fait en peu de mots. Don Jeremias Tembleque continuait, depuis de longues années, à habiter, en compagnie de son nègre et de son coffre, son palais de la ruelle des Vénérables, lorsqu'un certain jour de la fin du mois de février, Jeremias ne sortit pas à l'heure accoutumée de sa chambre, vêtu de ce caban plein d'années et de services, mais sans aucun espoir d'obtenir la retraite à laquelle lui donnaient droit ses honorables cicatrices. Bonifacio s'en étonna d'abord, puis n'y fit plus d'attention. Mais, voyant arriver l'heure du déjeuner, sans que son maître donnât signe de vie, le nègre, alarmé, entra dans la chambre et trouva le pauvre Jeremias étendu, mort sur son sofa, aussi bien mort que les habitants de Pompeia après l'éruption du Vésuve. À la main, il tenait encore un journal renfermant les détails de la révolution qui venait d'avoir lieu à Paris. Bonifacio courut prévenir le notaire, et celui-ci, qui était grand ami de Don Roque, lui donna immédiatement connaissance de l'événement, de sorte que, dès le lendemain, il arriva de Cadix. Le jour suivant, on pouvait voir Don Roque marchant derrière un pauvre enterrement, où, dans une pauvre bière, étaient déposés les pauvres restes du plus pauvre des hommes, Don Jeremias Tembleque, mort pauvrement, du pauvre malheur, de la baisse des actions de la Banque de France. Sa vie, comme sa mort, fut une preuve évidente des joies, des plaisirs et des jouissances que procure l'argent au misérable avare. Il mourut ab intestat, et quand ses héritiers, prévenus par les journaux, arrivèrent à Séville, ils ne trouvèrent que les actions de la Banque de France que Don Roque acheta à vil prix, et de plus, le fameux coffre renfermant 3 chemises en coton, 3 paires de chaussettes en fil et 2 mouchoirs de poche, le tout brodé à jour par la vétusté. Ils furent également mis en possession des plats et du service à thé, du sofa et des feuilles de maïs qui murmuraient encore, et d'une masse de mémoires et de factures pour dépenses d'enterrement, droits d'héritage et tutti quanti, sans parler d'un nombre considérable d'exemplaires d'une feuille périodique contenant cette touchante note chronologique. Nous avons à regretter la mort de l'estimable Don Jeremias Tembleque, qui s'est éteint subitement et prématurément par suite d'une congestion cérébrale. Il avait mérité l'estime générale. Sa mort est un deuil public. Que la terre lui soit légère. Et c'est ainsi que l'on écrit l'histoire, au moyen de quelques piastres pour insertion. Après avoir rendu à la mémoire de son ami les honneurs qui lui étaient dus et soldé consciencieusement les frais de son éloge, Don Roque se trouva parfaitement libéré de tout ce qu'il pouvait lui devoir. Quelques jours après cet événement, il se trouvait en visite chez la marquise de Alocaz. « Don Roque, lui dit-elle tout à coup, ne songez-vous pas à marier votre fille ?» La marquise, sans le savoir, venait de toucher la corde la plus sensible du cœur du millionnaire. Nous savons que l'idée du mariage de sa fille était, pour le cœur de ce tendre père, le vautour de Prométhée, l'épée de Damoclès, le Mantesel Fares. Aussi, répondit-il brusquement. Et vous, pourquoi ne mariez-vous pas la vôtre, qui est plus âgée que la mienne ? La marquise, sans avoir l'air de remarquer le ton bourru et malhonnête de la question, répondit d'une voix douce. « Ma fille est d'un goût si difficile. Elle a l'esprit tellement indépendant que, jusqu'ici, elle n'a pas fait grande attention à tous ceux qui se sont occupés d'elle. Dans la cour qu'on lui fait, dans les compliments qu'on lui adresse, elle ne trouve que des distractions sans conséquence. Elle les écoute en riant et ne les regarde que comme des fleurs sans racines qui ne tardent pas à se faner. Si ma fille aimait quelqu'un, si elle en était aimée, et qu'un ami vint m'entretenir de cette affaire, je l'écouterais certainement volontiers. Mais cela n'est pas arrivé. Mettons donc ma fille de côté et... » « Qu'entendez-vous par là ? » demanda Don Roque d'un ton d'impatience. « Ma fille aurait-elle, par hasard, trouvé un novio dans votre maison ?»« Je ne vous ai pas dit cela. » Mais enfin, dans le cas où il s'en présenterait un, Don Roque, je ne vois pas là motif à se fâcher. Les attentions dont une jeune fille peut être l'objet ne nuisent pas à sa réputation, à moins que le soupirant ne soit pas digne d'elle, ou ne convienne pas à ses parents. Hola, ainsi vous pensez que le novio pourrait me convenir? Je ne vous ai pas dit qu'il y eût un novio. « Bon, mettons un soupirant, est-ce cela ?»« Il pourrait bien y avoir un ou plusieurs soupirants, c'est tout naturel. Toutes les jeunes filles en ont. »« Viva la Pepa ! Ainsi donc, dans votre pays, chaque jeune fille a au moins un échantillon de cette vermine. C'est bon à savoir. » La grimace est d'une douceur si angélique qu'elle se fait bien venir de quiconque a des rapports avec elle. Et vous croyez que j'empocherai un gendre aussi facilement qu'on empoche une piastre, hein? Pourquoi non, si c'est un homme honorable qui puisse faire le bonheur de votre fille? Et ce beau prétendant, dit Don Roque avec un petit rire strident et rageur, possède sans doute, outre son désir de se marier, beaucoup d'autres avantages. Certainement, Don Roque, et sans cela, je ne vous aurais pas parlé de l'affaire. Celui qui, suivant ce que j'ai cru voir, sans pouvoir l'affirmer, soupire pour la grimace, est un jeune homme d'une conduite exemplaire et appartenant à une excellente famille. C'est, au dire du recteur de l'université, un étudiant hors ligne. Bah, le recteur en dit autant des 9/10 des étudiants. Mais enfin, son nom, marquise. Renaro est... « Oh, diable !» murmura Don Roque en se levant pour s'en aller. À cette brutale interjection, la marquise demeura stupéfaite. « En quoi ma proposition a-t-elle pu vous blesser ? » demanda-t-elle au millionnaire. « Psss !» siffla celui-ci sans répondre. « Ne dirait-on pas que je vous ai proposé un vagabond, un homme de rien ?» Sachez que Renaro appartient à une honorable famille et porte un nom respecté depuis des siècles. Que pouvez-vous lui reprocher ? Parlez ! Don Roque laissa échapper un grossier éclat de rire. Au nom de Dieu, parlez, Don Roque ! S'écria la marquise. Sauriez-vous quelque chose de fâcheux sur le compte de ce jeune homme ? Croyez que, dans ce cas, je l'ignorais totalement. « Hé, marquise, vous savez tout aussi bien que moi comment je dois accueillir cette proposition !» dit enfin Don Roque en ricanant. « Je vous jure que je n'en sais pas le premier mot, et je vous prie, et même j'exige à présent que vous m'expliquiez cette énigme et que vous me disiez franchement la raison qui vous fait repousser si loin un jeune homme que j'estime. « Oh, rien, presque rien, une bagatelle !» Votre jeune homme, si estimable, s'avise d'aspirer à la main de ma fille, et par Bacchus, il n'a pas un réal dans sa poche. La marquise éclata de rire. Vraiment, Don Roque, dit-elle au bout d'un moment à l'aimable millionnaire, il faut l'entendre pour le croire. Comment un homme comme vous, qui remue les millions à l'appel. Un homme qui, dans le choix d'un gendre, devrait si peu s'occuper de la fortune. Vous repoussez avec dédain un homme qui devrait au contraire flatter votre amour-propre. Car à son mérite personnel, il joint une illustre naissance. Un homme qui réunit toutes les qualités propres à faire le bonheur de votre fille. Si l'on a cru, hurla Don Roque en s'exaltant à chaque instant davantage. Si l'on a cru que j'étais homme à me laisser éblouir par des parchemins, si l'on a pensé que je tomberais dans le piège comme un âne aveugle, si l'on s'est figuré que j'en passerais par tout ce qu'on voudrait, afin que mes petits-fils eussent du sang bleu dans les veines, on s'est morbleu grossièrement trompé. Du sang bleu, voyez la belle drogue. Et c'est pourtant la seule fortune de ces va-nu-pieds qui empruntent pour dîner et soupent à crédit. Il n'est pas dégoûté, ce petit Gennaro. Il voudrait tâter de la fille pour tâter ensuite les millions du beau-père. Voyez-vous ça, un mendiant, ajouta-t-il de ce ton de souverain mépris qu'on ne trouve que dans la bouche d'un millionnaire. Le beau gendre à pendre à mes côtés, le beau bijou, la belle drogue. Vous parlez fort à votre aise de la valeur des gens appartenant à une classe qui n'est pas la vôtre, dit la marquise d'un ton incisif. Sachez que Gennaro est un parfait gentilhomme, des pieds jusqu'à la tête. Et qu'il vienne d'où il voudra, il n'en est pas moins à la chasse de mes écus. Mais vous pouvez lui dire que s'il s'est mis dans la tête, que j'ai gagné ma fortune, à la sueur de mon front, pour payer ses dettes et rebâtir le palais de ses ancêtres, il se trompe fort. Je ne serai pas assez niais pour dépenser mon argent à lui remplir le bec pendant qu'il se croisera les bras. » Après ces dernières paroles, Don Roque sortit de l'appartement sans attendre la réponse de la marquise, qui demeurait stupéfaite en entendant un langage aussi nouveau qu'incompréhensible pour elle. Reine et Lagrimas étaient assises dans une galerie vitrée, servant de corridor et en même temps de chambre de travail. Voici ton aimable père, dit Reine en voyant à travers les vitres Don Roque sortir de l'appartement et se diriger vers la galerie. Je me sauve, car je ne suis pas une gadetane pour me réjouir de voir ce vieil Hercule. Lagrimas, qui brodait, se mit à trembler au bruit des pas de son père. Tel était l'effet que produisait sur cette âme craintive et sur cette organisation délicate et nerveuse la présence de l'auteur de ses jours. « Voilà ce que j'ai gagné !» s'écria Don Roque en entrant. « Par la faiblesse que j'ai eue de te laisser dans cette maison, qui est bien le paradis des intrigants et des chevaliers d'industrie. L'enfant est à peine sorti du couvent et déjà elle a un novio. Elle pense au mariage et lui croit avoir trouvé la pie au nid avec les écus du papa. « Père, murmura d'une voix tremblante la pauvre Lagrimas, qui a pu vous dire semblable chose? Je vous jure qu'il n'y a rien de vrai. Et menteuse par-dessus le marché, continua le millionnaire. Mais nous allons mettre ordre à tout cela. Tu peux faire ta malle. Le vapeur part pour Cadix demain matin de bonne heure. Je t'apprendrai à t'émanciper et à avoir des novios. Foi de Roque, tu t'ennuieras là-bas autant que tu t'es amusé ici. Je mettrai du plomb dans cette tête et je te ferai passer ces fantaisies de noviage. Quand tu seras en âge, je te choisirai moi-même un mari à mon gré, et non pas une de ces bourses creuses, une de ces têtes à l'envers, avec leurs grands fracs qu'ils doivent à leur tailleur. » Reine, qui ne s'était pas éloignée, accourut au cri de Don Roque, effrayée du tremblement convulsif et du visage bouleversé de Lagrimas. « Qu'as-tu ? » exclama-t-elle. « Que t'est-il arrivé ? » ?»« Je pars demain !» murmura Lagrimas d'une voix étouffée. « Pourquoi ce départ si subit ? Où vas-tu ? » « À Cadix !» répondit sèchement Don Roque. « Au nom de Dieu !» exclama Reine, qui voyait la pâleur de la mort se répandre sur le visage de la grimace. « Il n'y a ni Dieu ni saint qui tienne, » répondit d'un ton sec et perçant, comme le claquement d'une crécelle, l'aimable millionnaire. « À la maison, et plus vite que ça !»« Dans le vapeur, la mer, la mer !» gémit la malheureuse jeune fille, les dents entrechoquées et saisissant avec force la main de Reine. « Au nom de Dieu !» dit celle-ci, en voyant la résolution bien arrêtée de Don Roque. « Au nom de Dieu, au moins ne l'emmenez pas par mer. Vous savez la profonde horreur qu'elle lui cause. Elle se trouve mal rien que d'y penser. »« Pure grimace !» répondit Roque. « Savez-vous le moyen de guérir toutes ces puériles craintes ? C'est celui dont on use envers les poulains rétifs, le fouet et l'éperon. » À cette horrible menace, Reine sentit tout son sang s'élancer vers le cœur. Elle se contint cependant, et, serrant dans ses bras la jeune fille qui s'attachait à elle comme le lierre s'attache à l'ormeau, comme s'attache le noyer à une planche de salut. « Ce sentiment d'horreur, dit-elle à Don Roque, n'est que trop motivé. Rappelez-vous, la tempête d'il y a 10 ans. Bon, il n'en est plus question. Si tous ceux qui ont essuyé des tempêtes à la mer ne voulaient plus naviguer, on pourrait bien couler toutes les coques de navire. Simagré, pure simagré que tout cela. Enfin, toute la litanie de sa défunte mère. Seigneur, seigneur, dit Reine indignée, il n'y a là ni terreur puérile, ni horreur sans motif. Rappelez à votre mémoire tout ce que ce souvenir a de déchirant pour votre fille. Bah, tout cela n'est que des mots, des paroles sans valeur. « N'aie pas peur, poltronne, » ajouta-t-il en se tournant vers sa fille. « Tu ne mourras pas à bord du vapeur. Et si tu meurs, on ne te jettera pas à la mer. » La grimace tomba évanouie dans les bras de Reine, en proie à une violente attaque de nerfs. « Oh, quel horrible homme !» exclama Reine, et elle appela pour emporter la grimace. Le soir, Don Roque revint savoir des nouvelles de sa fille. La marquise, profondément touchée de l'état où celle-ci se trouvait, représenta sèchement à son père qu'elle n'était pas en état de se mettre en route et que les médecins avaient ordonné le repos le plus complet. Elle lui fit également part du désir de la grimace qui était de rentrer au couvent. Mais, à cette ouverture, Don Roque jeta les hauts cris et refusa brutalement d'accéder à un désir qui l'aurait entraîné à des dépenses dont il pouvait s'exonérer. Reine prodigua à son amie les soins les plus dévoués et ne la quitta pas d'un moment. Mais à peine la grimace fut-elle entrée en convalescence que son père, sourd à toutes les raisons, insensible à toutes les prières, emmena la malheureuse fille, dont le cœur se déchirait à l'idée de quitter Séville sans avoir revu Renaro. Enfin, il fallut partir, et la pauvre enfant cacha sous un épais voile noir les larmes de ses yeux et le tremblement convulsif de ses lèvres.